gravé dans ma mémoire les antiques commodes, Zola et l'Assommoir, les gravures de mode, gravées dans ma mémoire. Les obscures armoires et les robes de moire et les jeux de mémoire gravés dans ma mémoire. Le sofa du fumoir, les précieux allumoirs, les récits de mémoire gravés dans ma mémoire, les mystérieux grimoires, les prédictions aztèques dans la bibliothèque, gravés dans ma mémoire. Les vieux micro-sillons, la chasse aux papillons, avec des écumoires gravés dans ma mémoire. Les gravats du chantier, de la démolition, l'allée, le gravier, puis les azalées, tout cela s'en est allé, comme s'en va ma mémoire. Qui tombe des armoires, fuyante comme une baignoire, tout cela s'en est allé, le sofa du fumoir et les robes de moire. Le gravier de l'allée.